Chapitre 26e. Au bout de 2 jours, et tandis que tout Madrid s'entretenait de la disparition du condamné Zampa, disparition qui tenait du prodige, Don José, en s'éveillant, vit un homme tranquillement assis à son chevet. C'était Zampa. Don José le reconnut et ne put s'empêcher de rire. « Ah ça ! D'où sors-tu ? Et où t'es-tu donc caché ?»« Je vais le dire à votre excellence, » répondit Zampa, « si toutefois elle veut me faire un serment. » « Parle, » dit l'Hidalgo, « quel serment exiges-tu ? » ?»« Celui de ne pas me livrer. »« Oh, certes, » répondit Don José, « je ne suis pas alguazil, et les choses de la justice ne me regardent pas. Si personne autre que moi ne te restitue au bourreau, tu vivras 100 années. »« Votre Excellence parle d'or, » dit le condamné. « Maintenant, j'ai une dernière proposition à lui faire. Qu'est-ce encore ? » ?»« Si je coupais ma barbe et teignais en noir mes cheveux, qui sont d'un rouge ardent, je deviendrai méconnaissable. C'est possible, et je te le conseille. Si alors votre excellence voulait me prendre à son service, Don José fit la grimace. Oh, dit Zampa, elle aurait en moi un serviteur dévoué jusqu'à la mort, qui se ferait hacher pour elle. Votre excellence n'aurait qu'à commander, je serais, selon son gré, assassin ou honnête homme. L'âme perverse de Don José fut touchée de ce langage. L'Hidalgo vit dans Zampa un homme qui deviendrait au besoin son sicaire, et mettrait, sans signe de lui, le feu aux 4 coins de Madrid. « Soit, lui dit-il, je te fais mon valet de chambre. Maintenant vas-tu me dire où tu t'étais si bien caché ?»« Certainement, monseigneur. Mais je vous dirai d'abord que je connais parfaitement l'hôtel dans ses moindres coins et recoins, m'y étant introduit l'année dernière pour voler. »« Ah, dit Don José, c'est moi qui volais les diamants de Madame la Duchesse, votre tante. À merveille. » Et, poursuivit Zampa, vous savez qu'il y a dans la chambre de Monsieur le Duc une armure de taille colossale, dressée sur un pivot, casque en tête et visière baissée. Cette armure, dit Don José, est celle d'un Salandrera, compagnon du Cid et plus grand que lui. C'est cela. Eh bien, je me suis glissé dans l'armure, bien certain qu'on ne songeait point à y regarder. Ce trait d'ingéniosité acheva de séduire Don José. Il donna un rasoir à Zampa, qui coupa sa barbe sur le champ et entra le jour même à son service. Depuis lors, le maître et le valet en arrivèrent à une sorte d'intimité, le premier laissant entrevoir ses instincts pervers et ses vices, le second les flattant et les encourageant de son mieux. Excepté peut-être l'empoisonnement de Don Pedro, Zampa connaissait tous les secrets de son maître. Il était au courant de sa double intrigue, et ce soir-là, où Don José revenait de chez Fatima, sous l'impression de ses menaces de mort, le valet ne put s'empêcher de remarquer la pâleur de son visage et son agitation extrême. « Est-ce que votre excellence sera fâchée avec la gitana ? » demanda-t-il. « Mais non, » murmura brusquement Don José. « C'est que votre excellence est pâle. » Don José regarda Zampa. Il trouva au bandit la physionomie abnante d'un homme qui semble dire « Parlez, on vous obéira. »« Dis donc, » fit-il en l'entraînant dans sa chambre à coucher. « Trouves-tu Fatima belle ?»« Mais oui, fort belle. »« C'est drôle, » continua Don José avec indifférence. « Je ne l'aime plus, et elle me semble laide. »« C'est que votre excellence en aime une autre, c'est vrai. » »« Et puis, à parler franchement, Fatima est une femme sans éducation, de mœurs désagréables et farouches, et qui finira, dans un accès de jalousie, par poignarder votre excellence. »« Je le crains. » »« Aussi, si j'osais risquer un conseil, risque. » « Je m'en débarrasserai. »« Bon, » fit Don José, continuant à jouer, malgré son émotion, une indifférence absolue. « Fatima est une femme qu'on ne quitte pas commodément. »« C'est vrai. »« Alors ?»« On la tue. C'est plus simple. » Don José regarda son balai dans le blanc des yeux. « Tu es un garçon bien spirituel, » dit-il. « Je m'en vante. »« Et j'ai songé à te charger de cette besogne. »« Merci de l'attention. »« Hein ? Qu'en dis-tu ? Mais, » dit Zampa gravement, « je dis que nous sommes à Paris, dans un pays où la police a de bons yeux, de bonnes oreilles, et un coup de stylet est plus dangereux pour celui qui le donne que pour celui qui le reçoit. »« Diable !» fit Don José un peu déconcerté par la prudence de Zampa. « Mais, » reprit celui-ci, « il y a des accommodements avec tout, même avec la loi. »« Ah, et comment ?»« J'ai rapporté d'un voyage que j'ai fait aux îles Marquises un joli poison, bien subtil, qui tue en 24 heures. »« Ah !» fit Don José. Ce poison est une poudre végétale qui tue sans laisser de traces. Et tu as ce poison, parbleu. par Saint Jacques de Compostelle. » murmura Don José ravi. « Laisse-moi me coucher. Demain nous reprendrons cette conversation qui m'intéresse fort. » Et Don José se mit fort tranquillement au lit et rêva que Fatima s'en allait dans l'autre monde et entrait dans le paradis de Mahomet où le prophète la changerait aussitôt en houri. On devine à présent ce que contenait le flacon de marasquin que Don José apporta le lendemain soir chez la belle Fatima. La bohémienne s'empara de la bouteille et la déboucha elle-même. « Je veux être ton échanson, mon cher seigneur, » dit-elle. Il regarda Don José avec son plus brûlant regard, tandis que la haine lui tordait le cœur. Puis elle lui versa à boire et se servit ensuite. Un soupçon avait traversé son esprit. « Il veut m'empoisonner, peut-être, » s'était-elle dit. Mais Don José prit le verre en souriant, l'éleva, salua Fatima et le vida d'un trait. « À ta santé, » dit-il en replaçant le verre sur un guéridon. Fatima n'hésita plus et vida le sien à son tour. Puis les deux amants passèrent une heure encore, la main dans la main, Don José accablant la gitana de ses protestations d'amour, la bohémienne l'écoutant le sourire aux lèvres et la rage dans le cœur. Enfin, minuit sonna. C'était l'heure où Don José se retirait. « Adieu, » lui dit-il, la pressant tendrement sur son cœur. « Adieu, » répondit-elle. « Ne sois plus jalouse. »« Oh, jamais, » fit-elle avec une dissimulation dont la perfection atteignit les dernières limites de la franchise. Elle le regarda comme si elle eût voulu le fasciner. « L'ai-je été ce soir ? » demanda-t-elle. « Non, j'en conviens. « Eh bien, tu me verras tous les jours comme aujourd'hui. Je t'aime et je crois à ton amour. » Elle le reconduisit jusqu'à l'extrémité du salon et lui pressa une dernière fois la main. « Adieu, adieu !» répéta-t-elle avec une sorte de frénésie qui faillit trahir sa fureur. Dans la salle à manger, Don José rencontra la vieille femme qui avait nourri Fatima. « À quelle heure se lève ta maîtresse ?» lui demanda-t-il. « À 10 heures. »« Demain, » continua Don José, « tu pourras la laisser dormir jusqu'à midi. Elle est fatiguée. » La vieille nourrice ne surprit point l'atroce sourire qui glissa sur les lèvres de l'hidalgo. « Pauvre Fatima !» murmura Don José en s'en allant. « Elle n'a pourtant que 24 ans. C'est dur de mourir si jeune. » En quittant Don José, Fatima rentra dans le boudoir et recula, stupéfaite comme la veille. Comme la veille, le bizarre personnage qu'elle prenait pour le diable l'attendait, tranquillement assis sur le divan. Il étendit la main vers le flacon de marasquin. « Tu as bu de cela ? » dit-il. « Oui, » répondit-elle. Il y avait dans un coin du boudoir un magnifique perroquet rouge et bleu qui sommeillait sur son perchoir. L'inconnu se leva sans mot dire, s'approcha du perroquet et lui présenta le doigt. Le perroquet y posa ses deux pattes et se laissa porter vers la cheminée, tandis que la gitana regardait cette manœuvre avec étonnement. L'inconnu prit ensuite le flacon de marasquin et en vida quelques gouttes dans le verre que Fatima avait porté à ses lèvres. « Il est excellent, » dit celle-ci. « Goûtez-le, vous verrez. » Mais au lieu de boire et tenant toujours son perroquet sur le poing gauche, le mystérieux personnage découvrit un sucrier placé sur un guéridon, y prit un morceau de sucre et le trempa dans le verre. Le marasquin s'infiltra goutte à goutte dans le morceau de sucre. Alors l'inconnu le tendit au perroquet qui le prit, le broya sous son bec et l'avala. « Mais que faites-vous donc ? » s'écria la bohémienne. L'inconnu ne répondit pas, mais il lui montra le perroquet qui, à peine eut-il absorbé le sucre imbibé de marasquin, battit des ailes, s'agita quelques instants et tomba foudroyé au pied de la gitana. « Tu le vois ? » dit alors le bizarre personnage. « Il faut, avec cette liqueur dont tu as bu un verre, 3 minutes pour tuer un chien, 24 heures pour faire un cadavre d'une belle fille comme toi. » « Don José vient de t'empoisonner. » Faisons un pas en arrière. Banco était une fille de 16 ans, blonde comme une madone de Raphaël, avec des yeux d'un bleu sombre aux reflets verdâtres, de petites dents blanches et pointues, des lèvres roses, un nez aquilin, des pieds et des mains d'enfant. Banco avait une taille svelte et frêle qui la faisait ressembler à une verte demoiselle des prés. Elle n'était ni grande ni petite, et lorsqu'elle marchait, elle trahissait cette désinvolture nonchalante et gracieuse qu'on retrouve chez les filles de l'Andalousie et que les Espagnols nomment le Mencho. Pourtant, Banco était né à Paris, mais son père et sa mère étaient venus d'Espagne quelques 20 ans auparavant, et il remplissait chez le général espagnol S les majestueuses fonctions de concierge. Chose bizarre, le Castillan marié à une Sévillane, brun tous les deux comme les olives de leur pays, avait mis au monde une fille blonde comme un rayon de soleil, blonde comme si elle fût née en Écosse ou au Danemark. Mais chose moins bizarre, trouvant sans doute ses parents trop bruns, l'horloge trop petite et l'hôtel qu'il gardait d'un trop sévère aspect, Banco avait pris sa volée aux environs de ses 15 ans. Un coupé à deux chevaux l'avait emporté un soir de la loge paternelle à la rue Castiglione, où elle avait trouvé le plus délicieux entresol que femme coquette eût rêvé. Un vrai boyard, qui possédait une centaine de villages et des milliers de paysans, lui en offrit les clés sur un coussin de maroquin vert. Ce coussin était un portefeuille. Depuis un an, Banco était fort à la mode. Elle avait des chevaux de prix, des diamants comme on en voit peu, et il donnait des raouts dont parlait la petite littérature. Pourtant, Banco n'avait que 16 ans et quelques mois. Mais elle était née avec l'intuition de son art. Elle n'avait pas le temps d'apprendre, elle devinait. Elle n'avait jamais aimé, et elle était demeurée convaincue qu'elle n'avait pas de cœur. Banco était, dans toute l'acception du mot, une fanfaronne de vice. L'enfant avait auprès d'elle une dame de compagnie, une ex-jolie femme qui dépassait la quarantaine, dont le visage, coupe rosée, s'empâtait de jour en jour, sous une épaisse couche de graisse, et dont les doigts ornés de bagues subissaient les progrès d'un embonpoint excessif. Cette femme, qui se nommait Carlo, abréviation de Carlotta, métamorphose de Charlotte, laquelle Charlotte était née dans une boutique de fruitières et prétendait avoir des aïeux. Cette femme, disons-nous, tenait la maison de Banco, la volant par-ci, par-là, et lui donnant des conseils. Or, depuis son départ de la maison paternelle, Banco avait essayé vainement de faire la paix avec sa famille. Les deux Espagnols, fiers comme des hidalgos, avaient formellement refusé de recevoir et même de revoir leur enfant. Vainement, Banco leur avait envoyé parlementaire sur parlementaire, porteur de cadeaux de toute espèce, le père et la mère avaient tout refusé. Ce mépris pour l'enfant perdu avait fini par irriter Banco. Banco avait oublié qu'il s'agissait de son père et de sa mère, et un jour, elle s'était jurée de les humilier tôt ou tard. Une fois dominée par cette idée de vengeance, la lionne n'en démordit plus, d'autant que la Carlo attisait charitablement le feu et lui disait d'un ton demi-sérieux, demi-bouffon « Abaisse-moi donc ces portiers orgueilleux. À ta place, je me munirai d'un Espagnol de qualité qui peut me faire entrer un jour dans sa voiture à l'hôtel dont il tire le cordon. » Le conseil avait été goûté par Banco. Il s'était promis de profiter de la première absence du prince russe pour le mettre à exécution. Or, le prince alla faire un voyage de 3 mois en Italie, et il dit en partant à Banco « Il n'est pas défendu de faire de la contrebande, il est défendu de se laisser prendre. Méditez profondément ces paroles et songez que j'ai 100 000 francs par an à votre service. » Le soir de son départ, Banco fit une apparition aux Italiens, et en promenant distraitement ses prunelles sur la salle, elle remarqua un grand et beau jeune homme, aux cheveux noirs, aux moustaches noires, à la tournure pleine de distinction. « Le connais-tu ? » demanda-t-elle à la Carlo. « Tiens, » répondit celle-ci, « voilà ton affaire. C'est un Espagnol, Don José d'Alvar. Il est riche. »« Oh, cela m'est égal, » dit Banco. « Il connaît le général S. Tu crois ?»« J'en suis sûr. Je me souviens de les avoir vus se promener ensemble au bois, dans un break que le général conduisait lui-même. » « Très bien, » dit Banco, qui devint toute pensive. Le lendemain, la Carlo fut chargée de courir le monde galant et d'avoir adroitement des renseignements minutieux sur Don José. Mais on ne savait nulle part sur l'Hidalgo que ce que tout Paris pouvait savoir, c'est-à-dire que Don José avait 26 ou 28 ans, qu'il était le neveu du duc de Salandrera, qu'on le disait fiancé à sa cousine, Mademoiselle Concepcion. Enfin, qu'il jouissait d'un assez beau revenu et le dépensait fort largement. On ne lui connaissait aucune intrigue. Ces renseignements, rapportés au bout de 2 jours par la Carlo, ne satisfirent que médiocrement Banco. « Cet homme aime sa fiancée, » se dit-elle, « et une fiancée est plus difficile à arracher du cœur d'un homme qu'une maîtresse. » Cependant, comme la blonde fille avait hérité de la volonté espagnole, du moment où elle eut jeté son dévolu sur Don José, elle se jura d'en être aimée tôt ou tard. Le plus difficile était d'avoir avec lui une première entrevue. Don José n'allait que dans le vrai monde, et Banco n'y avait nul accès. Heureusement, la jeune pécheresse avait lu beaucoup de romans, entre autres la fameuse histoire des 13 de M. de Balzac. Ne sachant comment se faire présenter à Don José, elle songea à le faire enlever. Voici ce qui advint à l'Hidalgo. En rentrant un soir de sa mystérieuse excursion à la rue du Rocher, Don José, qui alors aimait encore la gitana, trouva un petit billet venu par la poste à son adresse. Ce billet était d'une jolie écriture inconnue et sans signature. On devinait une main de femme. Si Don José d'Alvar, disait le correspondant mystérieux, a hérité de la bravoure de ses aïeux, s'il ne redoute pas les aventures romanesques, si enfin il est homme de cœur et ne recule point devant les apparences d'un péril, il se trouvera demain soir, jeudi, à 11h30, au coin du boulevard et de la rue Godot de Maury. Là, un homme s'approchera de lui et lui dira en espagnol « Suivez-moi ». Don José le suivra et fera ce que cet homme lui dira. Le jeune espagnol trouva l'aventure piquante et se promit d'aller au rendez-vous.